Conte de fées en français. C'est tout à fait vrai. Il était une fois une poule qui avait raconté la plus terrible histoire jamais racontée. C'était tellement terrible que les plumes de toutes les autres poules s'étaient tressées. C'était une longue et fatigante journée de travail. Toutes les poules étaient prêtes à dormir dans leur confortable petit lit de foin et parmi elles se trouvait la poule gaie aux plumes blanches. La poule grise observait tout cela. Elle se demandait pourquoi la poule ferait une telle chose. Parce que pour elle, qu'une poule arrache ses propres plumes était une idée affreuse et horrible. Ouf ! Je suis contente de m'être débarrassée de cette plume. Ne pouvant pas garder ce petit potin pour elle, la poule grise s'était envolée de son lit pour le dire à ses amis poules. Salut Pixie, venez plus près parce que j'ai des potins. Avez-vous entendu parler de cette poule stupide? Elle enlève toutes ses plumes pour être plus belle. Non mais c'est dingue! Comment un coq pourrait-il s'intéresser à une poule sans plumes? Si j'étais un coq, je mépriserais ce genre de poule, c'est sûr. Oh, mais c'est horrible! Comment a-t-elle pu faire ça? Elle n'a pas honte? Qu'est-ce que ce monde est devenu pour l'amour du poulet, hein? S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai! Sur un chêne, près du poulailler, vivait une famille de chouettes. Maman chouette avait des oreilles incroyables qui pouvaient tout entendre et aussi une grande bouche qui pouvait tout cafeter. Tout ce dont ces poules avaient pu parler. En arrivant à la maison, Maman Chouette commença à raconter tout ce qu'elle avait entendu. C'était une histoire effrayante pour les petites chouettes. Elles étaient amusées et horrifiées, mais surtout horrifiées à l'idée qu'un oiseau s'arrache ses propres plumes et puisse se trouver beau sans plumes. Mais maman, alors comment fait-elle pour voler? Les poules ne volent pas vraiment comme nous, ma chérie. Mais sans leurs plumes, elles auront froid et elles vont même tomber malades. Continue encore, maman. Il y a une suite à cette histoire, non? Non, il est trop tard maintenant. Allez, vite au lit, vous trois. Allez, dormez bien surtout. Plus tard, après avoir embrassé les jeunes hiboux qui s'endormaient, Maman Chouette s'envola pour raconter son histoire à ses amis pigeons. Je dois absolument parler de cette poule folle aux pigeons. Je sais qu'ils ne me croiront pas, mais il le faut. Maman Chouette raconta toute l'histoire aux pigeons. Ils écoutèrent avec beaucoup d'attention, sans cligner des yeux, sans même poser de questions. Ils écoutèrent simplement, en croyant ce que Maman Chouette disait. Elle a dû être frigorifiée après avoir perdu toutes ses plumes. Même pour les pigeons, c'était quelque chose de nouveau. Comme ils aimaient beaucoup raconter des histoires, ils s'envolèrent pour la raconter à d'autres. Vous savez que c'est tout à fait vrai. Coucou! Les poules dans le poulailler arrachent toutes leurs plumes parce qu'elles pensent qu'elles seront plus belles pour le coq. Vous savez que c'est tout à fait vrai. Les poules du poulailler arrachent toutes leurs plumes pour pouvoir plaire au coq. Vous vous rendez compte? Vous savez que c'est tout à fait vrai. Les poules du poulailler arrachent toutes leurs plumes pour attirer l'attention du coq. Cette seule petite plume était devenue de nombreuses plumes et cette poule était devenue plein de poules. Le lendemain matin, cette nouvelle choquante avait atteint les oreilles du coq. Cocorico ! Il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous ne le croyez peut-être pas vraiment, mais c'est tout à fait vrai. Trois poules ont plumé toutes leurs plumes. Je l'ai entendu des autres. J'ai entendu dire qu'elles étaient amoureuses du coq. Pourquoi n'ai-je pas entendu cela plus tôt? Que se passera-t-il pendant la saison froide? Elles n'auront pas de plumes. Et les bruits de plumes arrachées couraient partout. L'histoire avait voyagé de poulailler en poulailler, de ferme en ferme, et enfin dans tout le pays. Et finalement, les nouvelles ont atteint le poulailler d'où tout a commencé. Il y avait trois poules tristes qui avaient eu le cœur brisé par un coq. Pour gagner son cœur, elles avaient commencé à arracher leurs plumes pour montrer à qui l'aimait davantage. Et cela avait continué jusqu'à ce qu'elles perdent toutes leurs plumes. Pouvez-vous le croire? Mais c'est tout à fait vrai! Quand cette même femelle blanche, jolie, qui avait perdu une petite plume, a finalement entendu cette histoire, elle ne pouvait pas comprendre d'où elle venait. Elle était triste et en colère, et dit « Qu'est-ce qui se passe là? C'est inacceptable! Les poules ne doivent jamais arracher leurs plumes! J'ai une fois enlevé une plume qui était devenue sale! Cette histoire ne doit pas être gardée secrète! Nous devons propager la conscience! Nous devons la diffuser à la télévision, au journal de la ferme! » Elle était partout dans les médias. Elle était lue dans les journaux et entendue à la télévision. Les nouvelles sont très troublantes. Je ne savais pas que nous avions une chaîne d'infos pour notre poulailler. Bien sûr qu'on en a une. Comment est-ce que tu peux l'ignorer, enfin? Pardon, je ne savais pas. Ça s'appelle CCTV. Ça veut dire quoi, CCTV? Oh, CCTV, c'est Cocotte TV. C'est très populaire, enfin, tu ne connais pas? Juste comme ça, l'histoire parut dans le journal du matin. Tout le monde avait lu cette histoire à propos de trois poules stupides qui avaient le cœur brisé par un coq local et qui avaient enlevé toutes leurs plumes et sont maintenant en train de geler par temps froid. Les plumes les auraient protégées, mais sans elles, elles étaient toutes devenues terriblement malades. Et très vite, tout le monde parlait de ces poules idiotes. À quel point elles étaient idiotes de s'arracher leurs plumes. Tout est de ma faute, oui. Je n'aurais jamais dû répandre des mensonges. Je me souviendrai de ne jamais dire quoi que ce soit qui n'est pas vrai. J'ai appris une leçon importante aujourd'hui, très importante. On dit qu'un mensonge fait le tour du monde avant que la vérité ne traverse la rue. La poule grise avait appris une leçon précieuse. Nous devons donc nous rappeler que lorsque nous racontons des histoires et des paroles, nous devons être vigilants. On dit un mot vague ici et là, et ça peut créer quelque chose que nous pourrions ne jamais pouvoir arrêter ou jamais changer. Tout comme une plume s'était transformée en plusieurs plumes, une poule s'était transformée en trois poules. L'histoire est peut-être fausse, mais comme l'a dit la poule, c'est tout à fait vrai.